prédateur et guerrier, gars. Trop plein d'arrogance, pas le trait, baisse le regard. Si tu veux pas prendre une danse, trop près de certains, trop près de la vérité, trop loin. Vous êtes pour percer mon identité. Prétends, je suis pas prêt à tout, mais quand même prêt à foutre la merde, peu importe. Tout prédestiné à tirer sur les soit les hommes slim, soit les hommes bonhommes, soit les hommes meilleurs que moi. Putain, je kiffe cette rime. Ah ouais, man, elle glisse comme les doigts de ma femme sur son corps. Quand elle met de la crème pour hydrater sa peau couleur ébène. Eh ben non, vous aurez pas la suite. Pas de contenu pornographique, je fais pas d'alarime salace. Je laisse ça au Snoop et Kelvin Brodess. Le texte, je brode, mais rien que du vrai, je fais pas d'alvent. On manque une putain de présence. Pas d'histoire à dormir debout, à mourir de rire. Les MC veulent mourir un martyr, mais pas partir encore me souffrir. Les gars, j'annonce la couleur et l'odeur. C'est rouge vif, parfum d'hémoglobine. Je suis venu en paix comme Mike Tyson sur le ring face à Holyfield. Protégez vos oreilles car je tente pas la mettre en sourdine.